Si on y regarde de loin, un papa, ça éduque, une maman, ça materne. Oui, mais sauf que non, en fait, il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que cet état des faits, cette répartition genrée de l'instinct parental, c'est une construction sociale ou hormonale. La preuve en est que chez d'autres espèces, c'est le schéma inverse. Mais alors se pose cette question, puisque le cerveau chez la femme et l'homme est strictement semblable, où se cache cet instinct parental ? Question que l'on peut étendre à notre cerveau, est-il genré ? Qu'est-ce qui détermine nos comportements féminins ou masculins ? Ce sont ces recherches passionnantes qu'effectue notre invitée, Catherine Dulac. Instinct parental, mais où se cache-t-il donc ? C'est le programme genré qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Catherine Dulac. Bonjour. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous recevoir au micro de la méthode scientifique. Vous êtes professeure et directrice de laboratoire à Harvard et à l'Institut médical Howard Hughes. Vous avez reçu le Breakthrough Prize au mois de septembre dernier, précisément pour avoir identifié l'instinct parental dans le cerveau de la souris. Ça va être le thème de notre discussion d'ici quelques minutes, parce que avant de vous retrouver, eh bien, elle a l'instinct de l'actualité scientifique incollable. Il faudrait peut-être d'ailleurs aller regarder dans son cerveau où il se situe. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature, une étude qui met en valeur un phénomène géologique qui élargit l'océan Atlantique chaque année. Oui, chaque année, on estime que l'océan Atlantique s'élargit de plusieurs centimètres, tandis que l'océan Pacifique, lui, rétrécit. Alors pour étudier l'intérieur de la Terre, sous les continents, ça on sait bien le faire, pour cela on utilise des stations sismiques, mais pour imager l'intérieur de la Terre sous les océans, ça c'est beaucoup plus difficile puisque nous n'avons pas d'instruments. Cette étude s'appuie sur une expérience de grande envergure. Une équipe européenne a déposé 39 sismographes au fond de l'océan, au milieu de l'Atlantique. Pour la première fois, ils ont réussi à imager la Terre à des centaines de kilomètres sous le fond océanique. Et les résultats sont assez inattendus. Contrairement à ce que l'on pensait, les lectures sismiques montrent qu'il y a une zone à forte température à 400 km sous les dorsales océaniques, sous la crête qui sépare tectoniquement les Amériques de l'Europe et de l'Afrique. Thomas Baudin est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire de géologie de Lyon. En fait, la grande question que se posent les scientifiques depuis 50 ans, c'est un peu comment est-ce que se refroidit la Terre. Depuis 50 ans, on sait que il y a la tectonique des plaques, que la Terre est un corps chaud qui se refroidit par convection, donc il y a des mouvements à l'intérieur de la Terre. La convection, ça veut dire qu'il y a du matériel chaud qui remonte à la surface et qui se refroidit, la surface de la Terre se refroidit, et du matériel froid qui redescend à l'intérieur de la Terre. Et alors, on sait en gros comment ça marche, mais on ne sait pas exactement les endroits où il y a du matériel qui descend et du matériel qui monte. Pour la descente de matériel, on sait à peu près que c'est au niveau des zones de subduction, comme par exemple au Japon ou en Amérique du Sud, où on a des grandes plaques qui s'enfoncent à l'intérieur du manteau et qui produisent des tremblements de terre. Mais pour le matériel chaud qui remonte à la surface de la Terre, c'est beaucoup plus compliqué et il n'y a pas vraiment de consensus encore pour savoir comment est-ce que ça se passe et exactement où est-ce que ça se passe. Donc on pense qu'il y a des endroits où ça se passe, ce sont les points chauds qui sont par exemple ce qu'on voit au niveau de Hawaï ou au niveau de la Réunion. Mais là, ce que cette étude a montré, c'est qu'il pourrait y avoir aussi une remontée de matériel chaud sous les dorsales océaniques. Les dorsales océaniques, donc c'est ce qu'il y a au milieu des océans et c'est là où se créent les plaques tectoniques. Là, ce que cette étude a montré, c'est qu'à 400 km sous ces rides océaniques, on peut voir qu'il y a une température qui est anormalement chaude, et donc ça voudrait dire que c'est à cet endroit-là qu'il y a du matériel chaud qui remonte vers la surface. Et vous pouvez retrouver l'étude publiée dans la revue Nature, dont nous avons publié le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc, fil Twitter que vous pouvez retrouver également sur la page de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. L'Institut Pasteur a été victime d'une série de cyberattaques. Oui, nous l'évoquions dans notre émission la semaine dernière, l'épidémie actuelle est aussi une épidémie de hacking. De nombreux laboratoires impliqués dans la recherche d'un vaccin contre le SARS-CoV-2 ont déjà été touchés par cette pandémie d'attaques virtuelles. C'est au tour de l'Institut Pasteur, mais aussi du CNRS, de l'INSERM et de l'Université Paris-Descartes. Lors de ces intrusions, aucune donnée n'aurait été dérobée par les hackers. L'ANSSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information et la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, mène l'enquête. Selon une étude parue dans la revue Physical Review D, certains trous noirs pourraient violer le théorème de l'unicité du trou noir. Ce théorème est aussi connu sous le nom de théorème de Calvici. Selon lui, un trou noir ne peut se définir que par ses trois paramètres, sa masse, sa charge électrique et son moment cinétique. Les trous noirs de même masse, spin et charge sont exactement identiques les uns aux autres, d'où le « black holes have no hair », un trou noir n'a pas de cheveux. Des chercheurs américains ont étudié certains trous noirs, les trous noirs extrêmes de Kerr. Et selon leur simulation, ils pourraient avoir des cheveux gravitationnels. Le long de l'horizon des événements de ces trous noirs extrêmes, une famille de perturbations scalaires ou gravitationnelles pourrait même, en principe, être identifiée par des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et enfin, selon une étude parue hier dans la revue Nature, en 50 ans, près de 2/3 des requins et des raies océaniques ont disparu. Cette équipe internationale s'est appuyée sur de nouvelles données de la liste rouge de l'UICN des espèces menacées. Résultat, entre 1970 et 2018, à cause de la pêche, les océans ont perdu 71% des populations de requins et de raies. Pour certaines régions, ce déclin est dramatique, notamment dans l'océan Indien, où il n'y a aucune régulation de la pêche. Les auteurs pensent que leur estimation est probablement en deçà de la réalité, à cause de la pêche sauvage. Les requins et les raies sont très importants pour les écosystèmes marins, selon ce papier. Seule une réglementation stricte à échelle internationale, voire une interdiction de la pêche, pourrait empêcher leur disparition. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le journal des sciences et de la science-fiction. Il n'y a pas de cerveau féminin, il n'y a pas de cerveau masculin. C'est en tout cas ce qu'affirme notre invitée du jour, Catherine Dulac. Elle dit aussi, le cerveau social a de l'instinct, pas de genre. Mais alors, comment expliquer qu'avec un même cerveau identique, allez, on va presque dire aux neurones près, les comportements diffèrent entre l'homme et la femme, et particulièrement en ce qui concerne l'instinct parental. Est-ce le lien avec l'enfant que la femme a porté dans son corps? D'autres espèces montrent que ce sont les pères qui s'occupent de la progéniture portée par la femelle. Les hormones, alors peut-être, oui, mais pour autant, les hormones ne sont pas initiatrices de comportements aussi complexes que ce que l'on peut qualifier d'instinct parental. Alors, c'est quoi, au juste, l'instinct parental? Comment cela fonctionne-t-il? Et qu'est-ce que notre cerveau dit social a à faire là-dedans? Pour commencer, je vous propose de faire comme chaque jour un petit bond dans le passé, dans l'émission Les Grandes Enquêtes. Nous sommes en 1967, et à cette époque, figurez-vous que l'instinct maternel, ça n'existe pas. L'instinct maternel, tel qu'on le rencontre chez l'animal, n'existe pas chez la femme. C'est pas chez l'animal, l'instinct est une impulsion innée qui le pousse à des conduites automatiques, précises, adaptées, qui dépendent du système nerveux et glandulaire. Or, cet instinct n'existe pas chez la femme. Et qu'est-ce qui existe exactement chez la femme? Eh bien, ce qui existe chez la femme, c'est un amour maternel. Or, cet amour n'est pas un instinct, c'est un sentiment avec toutes les composantes extrêmement complexes du sentiment. Ces composantes qui dépendent des facteurs accidentels de la vie, comme les problèmes économiques, les problèmes politiques, les facteurs inconscients de la petite enfance, la femme revit ses relations avec sa mère ou encore d'autres relations dont elle n'a absolument pas conscience, les facteurs culturels et religieux. On peut dire que le sentiment maternel diffère selon les lieux, selon les pays, selon les ethnies. Il y a des facteurs personnels de sa vie quotidienne. Tout cela influe énormément. C'est un sentiment, ce n'est pas un instinct, l'amour maternel. Bien. Mais alors, vous faites une nouvelle distinction. Est-ce que vous ne jouez pas un peu sur les mots? Vous dites « l'élan du corps n'est pas un instinct, mais une tendance de l'être ». Cela revient pratiquement au même, non? Non, ça ne revient pas au même. Évidemment, une femme a besoin de faire fonctionner ses organes génitaux et ses organes reproducteurs, elle le sent de façon confuse. Elle a besoin d'assurer le service de l'espèce. Elle a besoin d'une petite boule de chair vivante dans ses bras auxquelles elle s'identifie. Mais tout ça, ce ne sont pas des conduites organisées, ce sont simplement des tendances. Regardez une jeune mère avec son enfant pour la première fois dans les bras. Elle est follement maladroite, elle ne sait pas s'y prendre, elle a peur quand il bouge. Ça n'a rien à voir avec la conduite d'un animal qui sait absolument comment s'occuper d'un bébé qui vient de naître. Voilà cette acception de l'instinct, alors il ne faut pas dire instinct, mais amour maternel en tout cas, en 1967, sur la radiodiffusion française. Catherine Dulac, une réaction à ce que vous venez d'entendre? C'est extrêmement intéressant. Je suis en fait assez d'accord avec ce que l'on vient d'entendre. Ça dépend ce qu'on appelle instinct. La personne qui parlait appelle instinct une série de comportements organisés. Ce n'est pas ce que j'appellerais instinct. L'instinct, pour moi, c'est plutôt la motivation de faire quelque chose. Et donc, en fait, ce que nous avons entendu, c'est que peut-être que les êtres humains n'ont pas d'instinct maternel dans le sens où ils ont une série de comportements organisés pour s'occuper de leurs petits, mais je voudrais clarifier que d'abord, les animaux non plus. C'est très frappant quand on voit une souris ou une femelle de n'importe quelle espèce, ses premiers petits, elle s'en occupe pas très très bien, hein, elle apprend. Donc un instinct, ça n'est pas une série de comportements automatiques comme ce que l'on vient d'entendre, c'est plutôt ce désir, cette motivation de s'occuper d'un petit. Et là, je pense que il y a un instinct qui est général, en fait, dans toutes les espèces de mammifères, vraisemblablement les êtres humains aussi. Alors, bon, je ne suis pas une psychologue, je ne peux pas parler vraiment avec beaucoup d'autorité de ce qui se passe chez les êtres humains, de ce point de vue-là, mais ce qui est intéressant en ce qui concerne le comportement parental, c'est que c'est vraiment dans les espèces animales la première fois qu'un animal s'occupe d'un autre. Et en fait, les gens qui s'intéressent au comportement considèrent que le comportement parental est vraiment le premier comportement altruiste. Mmh. C'est-à-dire la première fois où un animal ne s'occupe pas seulement de lui-même, de sa propre survie, mais de la survie de quelqu'un d'autre, d'un autre animal. Si on y réfléchit, nous, les êtres humains, on rationalise beaucoup, hein, on sait qu'on doit s'occuper d'un bébé parce que bébé ne sait rien faire par lui-même ou par elle-même, il faut nourrir, il faut les protéger, etc. Mais une souris, quand elle voit cette espèce de petit truc rose qui gémisse, qui ont besoin de soins constamment, pourquoi est-ce qu'une souris voudrait s'occuper de cet individu? Elle le fait parce que justement, elle a cet instinct. Mmh. Et au début, elle le fait pas très bien. D'ailleurs, on sait que la première fois que des femelles mettent bas à des petits, très souvent, elles s'en occupent si mal qu'ils ne survivent pas. Donc il y a un apprentissage aussi, voyez. C'est intéressant cette définition, enfin effectivement de cette locution instinct parental ou instinct maternel, parce que ce qu'on entend dans l'instinct, c'est que c'est quelque chose d'inférieur à la pensée ou d'inférieur à la raison, d'inférieur dans le sens où de plus viscéral, c'est quelque chose qui ne peut pas être court-circuité par un raisonnement objectif, quelque chose comme ça, Catherine Dulac. Oui, vous savez, les êtres humains aiment bien les catégories. Alors, on aime bien avoir des comportements réfléchis par rapport aux comportements instinctifs. On aime penser de cette façon-là. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. On a des instincts pour des tas de choses et on a une réflexion sur des tas de comportements. Et en fait, je crois que pour moi, un des intérêts de faire de la neuroscience, c'est justement d'essayer de comprendre au point de vue mécanistique, si vous voulez, comment ça marche. Quel est les contributions de diverses régions du cerveau qui justement permettent à un animal et peut-être aux êtres humains aussi, dans la mesure où notre cerveau n'est pas construit de façon très très très différente de d'autres mammifères, d'essayer de comprendre quels sont les apports respectifs justement de fonctionnement du cerveau cognitif par rapport à un aspect peut-être plus instinctif. On va donc peut-être privilégier la terminologie comportement parental, comportement maternel ou comportement paternel. Est-ce que ça vous semble plus légitime ? Non, moi je veux bien parler d'instinct parental, puisque en fait, justement, c'est ça qui m'a intéressé. Comment se fait-il que chez les mammifères, il y a ce comportement qui s'établit, qui permet au nouveau-né de survivre, il y a un instinct. Mais l'instinct ne veut pas du tout dire que l'animal sait quoi faire au début. Parce qu'au début, justement, il ne sait pas très bien, c'est pas très bien s'y faire. Ce qui est intéressant, c'est que Darwin décrivait l'instinct maternel comme une pulsion irrépressible, aussi forte que le besoin de manger ou de dormir. Ça, c'est très intéressant de considérer l'instinct parental de cette façon-là. Parce l'instinct que, maternel, en l'occurrence. Hein. L'instinct maternel. Oui. Oui, mais on peut parler d'instinct parental, je pense, parce que ça touche aux hommes également. Les régions du cerveau, la région du cerveau qui contrôle le comportement parental, maternel et paternel chez la souris, c'est l'hypothalamus. Et l'hypothalamus est la même région qui contrôle effectivement le comportement reproducteur, le sommeil, la soif, l'appétit. Tous ces comportements qui, en fait, permettent la survie de l'individu, non seulement la survie de l'individu lui-même, mais aussi la propagation de l'espèce. Donc, il y a quelque chose d'assez réel, effectivement. Mais le fait que l'hypothalamus soit impliqué ne veut pas dire que d'autres régions du cerveau sont pas impliquées. Je pense que ce que nous avons entendu, cette dame qui décriait l'instinct parental chez l'être humain en disant c'est une fonction glandulaire, je sais pas très bien ce qu'elle voulait dire en glandulaire, mais en fait, le cerveau est un tout, si vous voulez. Il y a une région telle que l'hypothalamus qui peut avoir un rôle absolument essentiel, mais d'autres régions sont impliquées également. Si vous avez soif, s'il y a de l'eau quelque part et que vous avez le temps de boire, vous buvez. Mais si vous êtes occupé à autre chose, vous attendez. Donc ça met en jeu d'autres régions du cerveau. Il n'y a aucun comportement qui est absolument irrépressible. En particulier chez l'être humain qui a un cortex très développé qui lui permet justement de contrôler plus certains de ces comportements instinctifs. On va essayer de comprendre avec vous, Catherine Dulac, et en examinant vos travaux, ce que vous avez apporté justement à la compréhension de cet instinct parental chez la femelle, chez le mâle, chez la souris en l'occurrence, et puis on va essayer de voir un peu dans d'autres espèces comment cela peut varier ou se répartir différemment. On va ouvrir un peu bien la boîte crânienne pour aller comprendre comment tout cela se passe dans le cerveau. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h18 maintenant, nous parlons donc d'instinct parental en compagnie de Catherine Dulac. Catherine Dulac, peut-être pour commencer, et avant de rentrer dans ces expériences qui vous ont valu ce Breakthrough Prize, c'était au mois de septembre dernier, il y a un autre concept que j'aimerais vous entendre définir parce qu'il va en être question à plusieurs reprises au cours de cette émission, c'est la notion de cerveau social. Qu'est-ce qu'on entend par cerveau social, Catherine Dulac ? Oui, cerveau social, c'est une notion un peu diffuse, hein, un peu vague. C'est une expression commune qui simplement essaie d'exprimer le fait que les stimulations, l'information sociale, si vous voulez, est quelque chose qui est extrêmement importante pour les animaux et l'être humain plus particulièrement. C'est-à-dire que si vous avez une souris, un chien ou un être humain qui est entouré de d'informations autour de lui, d'objets, d'individus, eh bien, c'est vraiment l'interaction avec d'autres individus de son espèce qui est le plus stimulant pour les êtres vivants en général. Donc il y a vraiment quelque chose de très particulier dans la façon que le cerveau interprète les signaux sensoriels et en particulier les signaux sensoriels qui viennent d'autres individus de la même espèce. C'est-à-dire que un animal, l'être humain également, sont vraiment à l'aguet, si vous voulez, de signaux d'autres animaux de leur espèce. Et quand ces signaux arrivent, ils sont plus importants que tous les autres signaux. Donc, ça semble indiquer que dans le cerveau, il y a certaines régions qui sont spécialisées pour interpréter ces signaux sociaux et leur donner leur importance. Donc, si vous voulez, c'est ça, le cerveau social, c'est tout un tas de réseaux d'interprétation de signaux qui prête particulièrement attention à l'information sociale. Et vous disiez, hein, c'est ce que je citais au tout début de cette émission, vous disiez le cerveau social a de l'instinct, pas de genre. Il n'y a pas de cerveau féminin ou de cerveau masculin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Catherine Dulac ? C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'on appelle les comportements sociaux chez les animaux, c'est-à-dire la façon dont les animaux interagissent les uns avec les autres, il y a une caractéristique très évidente qui est que les femelles et les mâles ne se comportent pas de la même façon. Mm-hmm. Si deux mâles se rencontrent, en général, ils vont s'attaquer en signe de territorialité. Un mâle et une femelle vont adopter un comportement reproducteur qui est typique de leur sexe. Donc, il y a vraiment une différence sexuée absolument évidente. Donc, la conclusion immédiate de ceci, c'est que le cerveau, les régions du cerveau qui contrôlent ces comportements sont différentes entre les mâles et les femelles. Et effectivement, les endocrinologistes, donc les gens qui s'occupent d'essayer de comprendre le comportement hormonal, depuis des dizaines d'années, depuis le début du XXe siècle en fait, ont montré qu'effectivement, les hormones, en particulier la testostérone, ont un rôle extrêmement important pour organiser, ce qu'on appelle organiser le cerveau masculin ou le cerveau féminin chez les animaux. C'est-à-dire que si vous castrez un jeune mâle de souris ou de chien ou un coq, un jeune oiseau, eh bien le comportement de ces jeunes mâles ne va pas suivre, si vous voulez, le comportement mâle normal. Au contraire, il va avoir des tendances à avoir un comportement plutôt de type femelle. De la même façon, si vous injectez la testostérone à une jeune femelle, elle va avoir un comportement plutôt de type mâle. Donc, il semble que ces hormones, la testostérone en particulier, ont un rôle extrêmement important pour masculiniser le cerveau. Mmh. Et les jeunes femelles qui n'ont pas d'effet de testostérone se développent plutôt pour un comportement de type femelle. Alors, l'interprétation de ceci à l'époque, où on ne savait pas très bien comment fonctionnaient les cerveaux, les réseaux neuronaux, c'est de dire qu'il y a une masculinisation du cerveau masculin et une féminisation du cerveau femelle. Qu'est-ce que ça signifie en fait ? Ben, à l'époque, la testostérone était considérée un peu comme une hormone de croissance, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous injectez la testostérone à un jeune animal, vous voyez que il a un effet morphologique aussi. Il y a un développement des organes sexuels primaires et secondaires. Donc on s'est dit, ben, le cerveau, ça va être pareil. Mm-hmm. C'est comme le développement des organes génitaux. Il va y avoir un cerveau morphologiquement et anatomiquement de type mâle et un cerveau de type morphologiquement anatomiquement de type femelle. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Depuis, les neurosciences ont fait de très grands progrès et on arrive maintenant à distinguer avec une très forte spécificité et granularité, si vous voulez, quels sont les neurones qui sont employés dans certains comportements et comment ils sont connectés les uns aux autres. Et ce que nous avons découvert, c'est que, en fait, il n'y avait pas énormément de différence entre les cerveaux mâles et les cerveaux femelles en ce qui concerne les neurones qui contrôlent des comportements de type spécifique mâle ou femelle. Mmh, mmh. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Ben, bon, on ne connaît pas tout, hein. C'est très important de le dire. C'est-à-dire que il y a des différences qui sont mineures. Il y a des différences. Elles sont pas aussi majeures que ce à quoi on s'attendait. Les neurones qui contrôlent le comportement reproducteur mâle, par exemple, le comportement copulateur mâle, existent dans le cerveau femelle des souris, et par contre, la plupart du temps, ils ne sont pas mis en œuvre. Ils sont là. D'un point de vue de développement, c'est plus simple de développer un cerveau de souris qui n'est pas sexué, et puis d'avoir des phénomènes régulateurs qui, eux, sont propres aux mâles et aux femelles, parce qu'ils sont régulés par des hormones. Donc, si vous voulez, le grand schéma de fonctionnement du cerveau, chez les mâles et la femelle, sont les mêmes, mais il y a ces espèces d'interrupteurs, si vous voulez, ou de régulateurs qui permettent à un mâle, la plupart du temps, de se comporter comme un mâle, et une femelle, la plupart du temps, de se comporter comme une femelle. Mais, vous savez, il y a des observations depuis toujours de comportementalistes qui décrivent leur surprise de voir que dans toutes les espèces qu'ils ont étudiées, de temps en temps, un mâle se comporte comme une femelle et une femelle se comporte comme un mâle. Bien sûr. On le sait, parce que si on observe, par exemple, les chiens, bon, bah, de temps en temps, une femelle saute sur le dos d'un autre chien et a un comportement de type copulateur mâle, si vous voulez, en signe de dominance. Donc, le fait que les mâles et les femelles peuvent avoir les comportements des autres sexes, on le sait, on l'oublie un peu, si vous voulez. C'est bien sûr, c'est-à-dire, et puis on va rentrer dans vos travaux, c'est passionnant ce que vous racontez, Catherine Dulac, c'est-à-dire que, si je résume, et je vous laisserai peut-être préciser ou compléter, c'est-à-dire que ce que vous montrez et ce que vous allez nous expliquer d'ailleurs dans vos travaux, c'est-à-dire que pour ces zones qui sont très déterminantes de ce cerveau social, les mâles et les femelles ont exactement le même appareil, les mêmes neurones, et que ces neurones sont activés ou inactivés par les hormones et donc peuvent déclencher des comportements ou les inhiber bien en fonction justement de ces cycles hormonaux que l'on pourra détailler par la suite. Oui, alors je voudrais simplement avoir une petite nuance là, c'est que je ne peux pas affirmer que les réseaux sont identiques. Ils sont très semblables. C'est-à-dire que à l'échelle où nous les étudions, on ne voit pas de différence très très visible, si vous voulez. Alors que ce à quoi on s'attendait, c'est qu'il y ait des réseaux qui soient propres au cerveau mâle, des réseaux propres au cerveau femelle. Ça, nous avons démontré que ça n'est pas le cas. Ceci dit, dans le détail, il y aura des différences. Ça, c'est absolument clair. S'il n'y avait pas de différence, il n'y aurait pas de différence de comportement. Mais ces différences sont beaucoup, beaucoup plus mineures que ce à quoi on s'attendait. Alors, est-ce que on pourrait revenir peut-être plus précisément, Catherine Dulac, sur ces travaux que vous avez effectués sur la souris. Là, on va ouvrir le capot entre guillemets, on va ouvrir la boîte crânienne pour aller faire un peu de géographie cérébrale, puisque dès 1974, des études montrent le rôle central d'une zone particulière. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'hypothalamus. En l'occurrence, on parle d'une zone précise qui est la zone préoptique médiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, quel est le rôle de cette zone? Oui, alors l'hypothalamus, c'est une région assez importante qui est divisée en sous-régions, et la région préoptique est une de ces régions. Et la région préoptique médiane est une sous-région de la sous-région. Vous voyez, un des problèmes de la neuroscience, c'est qu'il y a beaucoup de jargon, et en particulier, il y a beaucoup de jargon concernant la nomenclature des différentes régions du cerveau. Tout à fait. Mais voilà, donc c'est une région très particulière de l'hypothalamus qui, effectivement, lorsque les scientifiques, il y a plusieurs décennies, détruisent cette région, chez la femelle de rat en particulier, ont découvert que ces femelles n'étaient plus capables d'avoir un comportement maternel, mais également en stimulant ces régions-là de façon artificielle, entraînaient une réaction maternelle spontanée. Donc on savait que cette région était très importante. Mais c'est une région qui aussi contrôle beaucoup d'autres comportements, le comportement reproducteur et d'autres fonctions de l'organisme. Donc c'est une région complexe, si vous voulez. Et alors, comment est-ce que vous avez travaillé personnellement sur cet instinct ou ces comportements parentaux chez les souris? Peut-être que vous pouvez nous raconter un peu naturellement la façon dont se comportent ces souris sans qu'on intervienne précisément sur ces productions d'hormones ou sur cette zone qu'on appelle la MP. OA, et puis ben justement, comment vous êtes vous intervenu pour les transformer et arriver aux conclusions auxquelles vous avez abouti? Eh bien, en fait, nous avons commencé à nous intéresser au comportement parental Donc, de façon plus générale, concernant les mâles et les femelles chez la souris, parce que justement, il y a une différence très claire de comportement chez les souris mâles et femelles. Alors, les souris femelles, que ce soit de jeunes mères ou que ce soit des souris vierges, donc qui n'ont jamais eu leur propre portée, ont un comportement maternel spontané. C'est-à-dire que si vous mettez des nouveau-nés de souris, des souriceaux devant une femelle mère ou une femelle vierge, eh bien, elle va immédiatement construire un nid, prendre les souris dans sa bouche, les amener au nid, et puis se blottir autour d'eux pour leur assurer chaleur et protection. Par contre, si vous mettez un souriceau ou des souriceaux devant une souris mâle vierge, eh bien, ces mâles attaquent les souriceaux et les cannibalisent. Les tuent, c'est donc un comportement qu'on qualifie d'infanticidaire. Et donc, nous étions très intéressés, nous étions intrigués, si vous voulez, par cette différence de comportement vis-à-vis des souriceaux. Et d'autres études que nous avions réalisées auparavant nous ont suggéré qu'il y a un système sensoriel chez la souris qui s'appelle l'organe voméronasal, qui est une collection, si vous voulez, de neurones olfactifs qui détectent des phéromones, donc des composés chimiques qui apportent une information aux animaux. Nous avons découvert plusieurs années auparavant que si l'on détruit l'organe voméronasal chez la souris, soit génétiquement, soit chirurgicalement, eh bien, les femelles se comportent comme des mâles. Elles adoptent un comportement reproducteur de type mâle. Et nous avons déduit de ceci que, justement, cet organe voméronasal est un système sensoriel chez la souris qui permet le contrôle de comportements de type mâle ou de type femelle. Alors, pour démontrer vraiment notre hypothèse, nous avions besoin maintenant de démontrer qu'un mâle pouvait avoir un comportement de type femelle si on détruisait l'organe voméronasal. Et donc, c'est là que nous sommes intéressé au comportement maternel qui, chez la souris, effectivement, a l'air d'être tout à fait spécifique des femelles. Alors, on s'est dit, bon, ben, si on abolit la fonction de cet organe voméronasal chez le mâle de souris, est-ce que le mâle, maintenant, devient maternel? Mmh. Et effectivement, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que ces mâles qui sont dépourvus de sensations voméronasales n'attaquent plus les souriceaux. Au contraire, ils construisent un nid, ils vont rechercher les petits souriceaux et se blottissent autour d'eux, exactement comme le ferait une femelle. Donc ça, c'était une démonstration absolument éblouissante du fait que, effectivement, ce comportement maternel qu'on comprenait jusqu'à présent comme étant purement féminin, purement femelle, existait aussi dans le cerveau mâle. Alors l'étape d'après, pour moi, qui suis une neurobiologiste moléculaire et cellulaire, c'est d'essayer de savoir comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un mâle ou d'une femelle qui fait que effectivement il y a un comportement de ce type-là. Et c'est ce que vous allez continuer à nous raconter dans quelques minutes, Catherine Dulac, ces travaux passionnants sur ce que peut être l'instinct parental, maternel ou paternel. On va continuer à discuter de vos travaux sur les souris et de vos travaux en neurobiologie, justement, de cet instinct maternel qui peut être paternel ou masculin, indépendamment bien justement du genre ou du sexe de l'individu. On en parle dans quelques instants. Hey, you, you, but it's in the ball, Bateau ivre de Resting Gale à 16h35 sur France Culture. Nous parlons d'instinct parental, d'instinct maternel et paternel. Et nous suivons les travaux de Catherine Dulac, qui est professeure et directrice de laboratoire à Harvard et à l'Institut médical Howard Hughes, qui a été primée du Breakthrough Prize. C'était au mois de septembre dernier, précisément pour ses travaux. Alors, on l'a entendu, hein, la notion d'instinct parental change énormément en fonction des espèces. On a beaucoup parlé de la souris. On va s'intéresser là tout de suite à une autre espèce, au crapaud. Vous allez le voir, pour cette espèce de crapaud, les choses sont inversées, comme quoi l'instinct paternel peut être supérieur à l'instinct maternel. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, j'ai retrouvé dans un petit écrin de verdure Françoise Sercollet, qui est herpétologue au MNHN, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste des amphibiens et des reptiles. Alors malheureusement, à cette période de l'hiver, les crapauds accoucheurs hibernent et se nichent sous les rochers, loin des regards et des rivages. Mais nous avons quand même pu fouler le terrain pour reconstituer ensemble le cycle reproducteur du crapaud, une espèce où donc les pères semblent avoir un instinct parental très développé, puisque le mâle exprime une certaine maîtrise de la maïeutique et du soin des futures générations. Alors ici, nous nous trouvons dans un petit écrin de verdure absolument magnifique en plein cœur de Paris, où une mare a été construite. Et notamment, il y a plusieurs espèces d'amphibiens qui profitent de cette mare pour pouvoir se reproduire. Peut-être que la période est un peu tôt pour les... Alors oui, là, la période est franchement très tôt, puisque nous sommes en plein mois de janvier. Ça dépend donc surtout de la fin de l'hiver. Et du coup, les amphibiens vont se cacher dessous et vont rentrer dans leur torpeur donc hivernale. Alors racontez-nous un peu comment... ce comportement de ce crapaud accoucheur, parce qu'il y a plusieurs choses. Il aide à la femelle à expulser ses œufs, ensuite il les féconde, il les porte pendant quelques semaines. Alors oui, c'est vraiment un animal absolument extraordinaire. C'est-à-dire que déjà, le mâle va chanter. Donc si vous entendez le soir, bien sûr, une petite note flûtée qui fait pou, pou, comme ça. D'accord. Donc il attire les femelles en chantant. Alors effectivement, dès qu'une femelle est dans le coin, le mâle va l'attraper donc avec ses bras, d'accord, et va l'attraper au niveau des hanches. Et là, il va se déplacer avec ses bras pour masser notamment les flancs de la femelle. Après, il va changer de position, il va l'attraper au niveau des sous les bras. Et il va encore rechanger de position au cours donc de la fécondation en l'attrapant au niveau de la tête. Et donc du coup, le mâle, une fois qu'il a attrapé donc la femelle, il va s'insérer donc entre ses pattes postérieures, et donc avec ses antérieures, avec ses pattes avant, il va masser donc les flancs de la femelle. Pour expulser les œufs ? Alors, pour vraiment, ce sont les préliminaires, on va dire, d'accord ? Et après, il va ramener donc ses pattes postérieures donc sous la femelle, de façon à former une sorte de coupe. Et là, avec ses orteils, il va les chatouiller, notamment le cloaque donc de la femelle, voire même... Le cloaque, c'est le postérieur. C'est ça, ce sont les fesses de l'animal. Et donc, avec ses orteils, il va chatouiller donc ce cloaque pour essayer de faire sortir notamment les œufs. Je dirais, la femelle va tout expulser donc d'un coup. Et les œufs sont attachés les uns aux autres à la manière d'un chapelet. Et une fois que tout ce chapelet se trouve donc entre ses pattes, là, il va arroser de son sperme de façon à ce qu'il y ait donc fécondation. Donc c'est un véritable sage-femme et géniteur. Absolument. Et après, avec ses pattes postérieures, il va plonger donc ses pattes postérieures dans cet amas d'œufs de façon à se tricoter donc ce chapelet au niveau de ses pattes postérieures. Pourquoi il agit ainsi ? C'est pour... prendre soin de la génération. Alors, ça fait partie des adaptations donc des amphibiens. Et une fois que ses œufs donc sont bien installés, il s'en va. Il a même pas un regard pour la femelle. Vous vous rendez compte ? Il la laisse complètement aplatie, la pauvre, elle en peut plus. Et là, hop, il s'en va. Il s'occupe exclusivement de la portée. Absolument. Il va s'occuper uniquement de ses œufs qu'il transporte donc sur ses pattes. Au niveau des chevilles. Et donc après, il va aller se balader donc avec son chapelet d'œufs. Et puis s'il rencontre une autre femelle, oh ben, y a pas de problème, il peut encore s'accoupler et il peut encore récupérer un autre chapelet. Ah ouais, donc il accumule... Ah, il y a des super papas, hein. Et jusqu'à 80 œufs quand même, hein. Et puis de temps en temps, s'il fait trop sec, hop, il va aller tremper son postérieur donc dans l'eau, histoire d'humidifier. Alors c'est ça, comment il s'occupe de ces différents chapelets d'œufs, bah, disons, au fil des semaines, jusqu'à maturation? Il s'en occupe dans la mesure où il les protège, déjà puisqu'il est tout le temps avec eux. Et une fois donc à l'intérieur donc de l'œuf, vous avez le petit têtard qui va se former. Et donc du coup, toute l'évolution donc du têtard donc va se faire donc dans l'œuf. Et au moment donc de l'éclosion, le père va sentir finalement tous ces petits têtards sur ses pattes qui commencent à bouger dans tous les sens. Et là, il sait que c'est le moment pour lui d'aller à la mare. C'est le signal. Et du coup, il va donc dans la mare, il dépose donc ses fesses dans l'eau, si je puis dire, et ils vont émerger donc dans le milieu aquatique. Donc ça sera, voilà, comme la plupart des autres amphibiens, ce sont donc des têtards qui par la suite vont se métamorphoser et qui par la suite vont sortir donc du milieu aquatique vers le milieu terrestre. Et donc là, on s'est approché d'une grosse pierre et on pourrait espérer en voir des spécimens en ce moment en train de... Alors, en ce moment, non, parce qu'ils sont en hibernation. Mais effectivement, ce genre de grosse pierre, là, vous voyez, avec un accès en dessous, c'est tout à fait un lieu pour, je dirais, pour la litte. Et n'oublions pas que tous les amphibiens de France sont des espèces protégées. Vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous n'avez pas le droit de les déplacer, vous n'avez pas le droit de les ramasser morts. Et bien sûr, vous n'avez pas le droit de les tuer, bien évidemment. Donc là, c'est une période où ils sont en train de se reposer. Oui, tout à fait. Ils ne s'occupent pas du tout de porter des œufs en ce moment. Non, non, là, je dirais que les fonctions physiologiques sont vraiment au ralenti. Le papa et, se repose, quoi. Voilà, le papa se repose, la maman se repose, tout le monde se repose. Et ils attendent surtout que les beaux jours reviennent. Voilà. Et voilà donc ce reportage du jour. Comme je vous l'avais dit, on sort de la souris, on sort du registre de la souris pour parler de ces crapauds accoucheurs. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Catherine Dulac? Oui, c'est magnifique. Il y a comme ça des exemples de comportements parentaux que la plupart des gens ne connaissent pas, que ce soit des crapauds, il y a des grenouilles d'Amérique du Sud aussi, ou qui sont d'ailleurs, certains sont biparentales, donc le père et la mère s'en occupent, quelquefois seulement la mère, quelquefois seulement le père, selon les espèces. Il y a même une espèce de singe, le singe Titi, le Titi Monkey, qui est essentiellement paternel, c'est-à-dire que après que la femelle ait accouché et la période d'allaitement, eh bien c'est le père qui s'occupe uniquement des petits. Si la mère disparaît, ça ne fait pas grand-chose aux petits, mais par contre si le père disparaît, alors là c'est absolument dramatique. Donc il y a cette diversité extraordinaire dans les espèces animales qui est absolument fascinante. Et comment on explique cette variabilité, Catherine Dulac? Oui, ben justement, au point de vue, pour une neurobiologiste telle que moi, si vous voulez, on se demande qu'est-ce qui se passe. Alors, une des découvertes importantes que nous avons fait dans notre laboratoire, c'est d'identifier de façon très précise, dans le cerveau de la souris, quels sont les neurones qui sont indispensables et nécessaires au comportement parental. Nous avons découvert que dans cette région de l'hypothalamus préoptique, il y a une population de neurones qui exprime un neuropeptide particulier qui s'appelle la galanine. Mmh. Et lorsque l'on manipule l'activité de ces neurones, eh bien, si on les détruit, la mère ne peut plus s'occuper de petits, et si on active ces neurones dans le cerveau d'un mâle qui normalement est infanticidaire, eh bien, il devient paternel. Donc, c'est un peu comme un interrupteur, si vous voulez, on and off. Si on appuie sur l'interrupteur, l'animal devient parental. Si on éteint l'interrupteur, l'animal n'est plus capable d'être parental. Donc ces neurones sont nécessaires et suffisants pour le comportement parental. Ils sont exactement en même nombre dans le cerveau des mâles et des femelles, et ils existent dans l'hypothalamus de beaucoup d'espèces. Et donc la question, est-ce que ces neurones existent dans le cerveau humain? Est-ce qu'ils ont le même rôle? Mais ce qui est très, pour nous, qui était très intéressant de constater, c'est que effectivement ces neurones sont exactement en même nombre et fonctionnent exactement de la même façon dans le cerveau des mâles et des femelles. Alors on peut se demander, je vous ai dit il y a quelques minutes que le mâle des souris était infanticidaire, donc ils servent à quoi ces neurones? Eh bien en fait ce qu'il se passe, c'est que les mâles ne sont pas toujours infanticidaires. Quand ils copulent avec une femelle, 3 semaines après, ce qui correspond au temps de gestation des souriceaux, eh bien ils deviennent parentaux. Maintenant, ils ne sont plus du tout infanticidaires. Si on les met en présence de nouveau-nés, même s'ils ne sont pas leurs propres nouveau-nés, ils ne les attaquent plus. Au contraire, ils construisent un nid et ils s'occupent des souriceaux. Donc en fait, l'idée, c'est que même si un animal a un comportement de type non parental, eh bien peut-être que dans son cerveau, il y a des neurones qui contrôlent le comportement parental, et s'ils sont stimulés, pourrait entraîner un comportement de type parental. C'est intéressant. Et alors, vous avez posé une question, Catherine Dulat, à laquelle vous n'avez pas répondu. Cette galanine ou ces neurones qui produisent ce peptide, cette protéine, est-ce qu'il y en a dans le cerveau humain? À mon avis, je ne sais pas de façon sûre, mais je peux vous dire que ça existe dans absolument tous les mammifères que l'on a regardés. Je n'ai pas encore eu de coupe de cerveau humain, mais je suis prête à parier beaucoup que ça existe aussi dans le cerveau humain. Et la raison pour laquelle je suis pratiquement certaine qu'ils existent, c'est que dans l'hypothalamus, tous les neurones jusqu'à présent qui ont été découverts, qui ont un rôle dans le comportement reproducteur ou dans la régulation de la soif, du sommeil, de l'appétit, tous ces neurones sont extrêmement conservés dans toutes les espèces de vertébrés. Pas seulement les mammifères, hein, les vertébrés. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une collègue à Stanford, Lauren O'Connell, qui travaille sur les grenouilles d'Amérique du Sud qui sont parentales, eh bien, elles ont des neurones à la galanine dans l'hypothalamus. De la même façon, Andy Bass, qui est un chercheur de Cornell, qui travaille sur une espèce de poisson qui est paternel, eh bien, l'hypothalamus de ces poissons ont des neurones à la galanine qui sont importantes pour le comportement paternel de ces poissons. Donc, vraisemblablement, vous voyez, ça existerait aussi chez les primates et vraisemblablement chez l'être humain aussi. Et ce qui est intéressant, Catherine Dulac, si on regarde et si on inverse un peu le système que vous décriviez tout à l'heure sur les mâles qui sont infanticides et qui deviennent finalement parentaux à partir d'un certain temps après avoir copulé, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut constater des comportements infanticides chez des femelles aussi dans des grandes situations de stress, en manque de nourriture, avec des prédateurs alentours et qui finissent par déclencher chez ces femelles des comportements infanticides. Tout à fait. D'ailleurs, une autre découverte que nous avons faite plus récemment est justement de la découverte des neurones spécifiques qui déclenchent le comportement infanticidaire. Ce sont des neurones qui expriment un autre peptide qui s'appelle l'urocortine 3. Et ces neurones existent aussi dans le cerveau des mâles et des femelles. Et ils sont donc utilisés pour dans des moments très différents. C'est-à-dire que les femelles qui sont en état de stress, c'est-à-dire, comme vous le disiez, il n'y a pas de nourriture ou il y a trop de prédateurs, ne peuvent pas permettre la survie de leur nouveau-né et donc vont tuer ou ignorer leurs petits et en fait attendre une période plus favorable pour pouvoir assurer la survie de leur progénie. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si on pousse un peu plus loin cet exemple du stress, c'est que je crois, et je parle évidemment sous votre contrôle, Catherine Dulac, on peut imaginer que je crois que il y a une sorte de similarité, en tout cas, des récepteurs à la galanine à certaines peptides produits par le stress, ou en tout cas que les récepteurs aux hormones de stress peuvent inhiber du coup ses fonctions. Est-ce que c'est une réalité? Oui, on ne connaît pas encore tout à fait bien comment le stress peut inhiber ces neurones à la galanine. On sait l'inverse, c'est-à-dire que nous avons pu démontrer que les neurones à la galanine inhibent de façon directe les neurones qui contrôlent le comportement infanticidaire. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un animal est parental, cette régulation négative du comportement parental par les neurones à l'urocortine ne fonctionne plus. Donc, en fait, c'est sans doute ce qui se passe chez les pères dans les souris, c'est-à-dire que ce comportement infanticidaire, après la copulation, n'existe plus, est supprimé pendant une certaine période de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien là qu'il y a des vraiment, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire des switch on et des switch off, finalement, de ces comportements parentaux en fonction de l'environnement, en fonction, eh bien, encore une fois, de la copulation, des facteurs de stress extérieurs, et que donc les comportements parentaux sont finalement une conséquence d'un certain nombre de facteurs environnementaux qui peuvent être modulés précisément, eh bien, par ces différents neurones et ces différents peptides. Tout à fait. Et d'ailleurs, depuis, nous avons aussi découvert qu'il y a d'autres neurones importants pour le comportement parental qui, eux, ne sont actifs que chez la mère. Alors ça, c'est très intéressant parce que ces neurones à la galanine sont actifs chez les mâles et les femelles, et ces neurones, cette autre population de neurones, ne sont actifs que chez la mère. Ils existent dans le cerveau des mâles aussi, mais ils sont activés chez la mère. Alors, on ne sait pas encore très bien ce qu'ils font. Peut-être qu'ils sont responsables d'un comportement alors qu'ils purement féminin qui est l'allaitement, c'est possible, mais il est aussi possible que ce sont des neurones qui en fait renforcent le comportement maternel lorsque la mère après la gestation. Donc ça, ce sont des questions qui sont encore ouvertes et pour lesquelles nous sommes tout à fait fascinés de continuer nos études. Il y a aussi des neurones qui ne sont activés que chez les pères. Il y a des neurones qui sont activés chez les pères et les mères et pas les individus vierges. Donc il y a en fait une grande complexité de ces circuits-là. Nous en sommes vraiment tout à fait au début pour essayer de disséquer ces mécanismes. Comment est-ce qu'on peut, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, Catherine Dulac, comment est-ce qu'on peut extrapoler, est-ce qu'on peut d'ailleurs le faire, ces travaux bien à d'autres mammifères? Et évidemment, on pense aux travaux sur l'être humain. Je pensais, puisque justement on parlait de cette question du lien entre les neurones de galanine qui auraient des récepteurs donc aux hormones de stress qui viendraient inhiber leurs fonctions, on peut penser à l'application que ça pourrait avoir, notamment sur des troubles comme les troubles et les dépressions postpartum. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, j'ai découvert en lisant la littérature autour du comportement parental à quel point les troubles postpartum sont importants chez l'être humain. Il y a entre 10 et 20% des femmes qui souffrent de ce genre de troubles et on comprend pas très bien, on sait pas très bien comment soigner. Peut-être un des espoirs, c'est que arriver à connaître de façon très détaillée les neurones, les cellules et les molécules qui sont impliquées dans le comportement parental chez les mammifères peut-être aider à peut-être pour un diagnostic ou même peut-être des médicaments qui peuvent aider les êtres humains. Mais il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire. Vous savez, ces découvertes sont tout à fait récentes. Entre la découverte dans une espèce et l'application à d'autres espèces, particulièrement chez l'être humain, il y a beaucoup de temps. Il y a des années et des années de travail. Donc on verra. J'ai une autre question qui peut vous paraître un peu iconoclaste, certainement, Catherine Dulac, mais on parle d'instinct paternel ou d'instinct maternel. Qu'en est-il de l'instinct grand maternel? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ça, ou est-ce que, selon vous, c'est vraiment un tout autre circuit et on sort complètement du sujet? Ah non, pas du tout, mais merci d'avoir posé la question. justement, ça fait partie des différences extrêmement intéressantes entre les espèces, c'est que les êtres humains ont un système qu'on appelle alloparental, qui est que c'est pas seulement la mère ou le père, c'est aussi en fait toute la famille, mais aussi la société entière qui s'occupe des enfants. Et donc, l'instinct grand-parental fait partie de l'instinct parental, tout à fait. La suite de vos travaux, Catherine Dulac, pour conclure, on arrive au bout de cette émission. Maintenant que vous avez été récompensée pour cette partie des travaux, aujourd'hui, sur quoi travaillez-vous? Comment peut-on pousser encore un peu plus loin ces recherches passionnantes sur cette notion de comportement parental et également sur la question finalement du genre ou de l'expression des caractères de genre chez les individus? Nous continuons nos études sur le comportement parental parce qu'il y a énormément de choses que nous ne comprenons pas. Comme je vous l'ai dit, nous avons maintenant plusieurs populations de neurones qui se mettent à marcher chez les parents plutôt qu'avant que les animaux soient des parents. Comment est-ce que ce circuit-là fonctionne? Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Par ailleurs, nous nous intéressons de façon générale au comportement social, hein, pas seulement le comportement social masculin-féminin. Par exemple, un des nouveaux projets que nous avons, pour lequel je suis vraiment tout à fait fascinée, c'est simplement l'importance du comportement social, qui est un problème dont nous sommes tous très conscients maintenant, alors qu'on doit beaucoup de gens sont isolés chez eux. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'interagir avec d'autres individus de notre espèce? C'est vrai chez la souris aussi. Si vous laissez une souris toute seule dans sa cage pendant plusieurs jours, elle commence à avoir des comportements anormaux. Si vous isolez un être humain dans une prison ou chez lui, c'est pareil, on ne fonctionne pas très bien. Quel est cet instinct social? Ça, c'est une autre question que nous posons. C'est une question qui plus est essentielle dans la période que nous traversons, où nous avons tendance à être, comme ça ne vous a pas échappé, un peu coupés les uns des autres. Eh bien voilà, s'il était besoin de l'entendre, nous avons besoin les uns des autres pour vivre. Merci beaucoup Catherine Dulac, merci d'être venue nous parler de vos recherches absolument passionnantes. On y reviendra certainement à n'y pas manquer, parce que cette question, encore une fois, de l'expression des caractères de genre est quelque chose d'absolument passionnant en neurologie, en neurobiologie. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Étienne, Natacha Triou, Céline Lezen, Dominique Guetzin-Villefranc, Antoine Beauchamp, Alexandre Morales, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Guy Lamège à la technique. Demain, tremblez derrière votre poste de radio. Le Festival international du film fantastique de Gérardmer a commencé depuis hier dans une version 100% en ligne, crise sanitaire oblige, ce qui ne nous empêchera pas, même si on est bien triste, il faut l'avouer, de ne pas être au bord du lac de Gérardmer, de consacrer notre vendredi fiction au renouveau du cinéma fantastique français. Elles et ils sont jeunes et leur premier film met un sérieux coup de frais au genre. On vous présente la nouvelle French Frayeur demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.